إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous continuons de tirer profit de certains fondements salafis que l'on tire de la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Prenez exemple sur le mort, car le vivant n'est pas à l'abri de la fitna. On a vu dans le cours d'hier le blâme de l'imitation aveugle et de l'exagération au sujet des hommes et des méfaits vers lesquels ceux-ci pouvaient conduire. Nous allons voir aujourd'hui un quatrième fondement tiré de cette parole, qui est l'importance de savoir d'où apprendre la science et la religion. En effet, il est nécessaire pour le croyant de savoir quel est le moyen lui permettant de connaître le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui sur lequel cheminait son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et celui qu'il a indiqué et enseigné à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, qui eux-mêmes l'ont enseigné et indiqué aux tabi'in, et ainsi de suite, génération après génération, et ce jusqu'à nos jours. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-barakatu ma'a akabirikum, la bénédiction est avec vos grands. Al-Munawi rahimahullahu ta'ala a dit dans le commentaire de ce hadith, expliquant ce qui est visé par Al-Akabir, par les grands. Il dit, ce sont ceux qui ont de l'expérience, qui veillent à ce que les récompenses soient multipliées. Asseyez-vous auprès d'eux, afin de suivre leurs avis, de prendre exemple sur leur conduite. Il dit, ou alors ce qui est visé, et ceux qui ont une grande part de science, même s'ils sont jeunes en âge. Même s'ils sont jeunes en âge, à partir du moment où ils ont une grande part de science. Il dit ensuite, rahimahullah, il est obligatoire de les honorer, et ce, afin de préserver la sacralité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, c'est-à-dire ce qu'il leur a accordé comme science. On voit à travers cette parole que la personne de science, même si elle est jeune, elle est grande de par sa science. On lui doit le respect et considération, non pas pour sa simple personne, mais pour cette science qu'il porte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Et le musulman qui espère suivre la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et qui veille à s'accrocher à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il souhaite atteindre ce but, alors il ne lui est pas permis de prendre la science du premier venu, ou de prendre la science de n'importe quel inconnu, de n'importe quelle personne qui se met en avant dans la prédication, de n'importe quelle personne qui ouvre un site internet, ou qui ouvre des comptes sur les réseaux sociaux ou une chaîne sur YouTube. Il est important de savoir de qui nous prenons la science. Et nous ne devons prendre cette science que des gens de la sunnah, ceux qui sont connus pour être ancrés dans la science et pour être fermes sur celle-ci. On rapporte du noble compagnon, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit, « Regardez de qui vous prenez cette science, car celle-ci est une religion. » Regardez de qui vous prenez cette science, car celle-ci est une religion. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette science que tu apprends, l'objectif est de la mettre en pratique. Tu n'apprends pas cette science pour te cultiver ou pour augmenter simplement tes connaissances sans aucune finalité. Mais l'objectif derrière, c'est de la mettre en pratique. De la mettre en pratique pourquoi? De la mettre en pratique pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il est indispensable que tu regardes de qui tu apprends cette science. Car cette science que tu apprends, c'est ce par quoi ensuite tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, penses-tu qu'il convient aux musulmans de prendre la science de n'importe quel inconnu, puis ensuite de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en mettant en pratique ce qu'il aura entendu de cet inconnu, ou de ce qu'il aura lu sur ce blog, ou sur ce compte Facebook, ou entendu sur cette chaîne YouTube ou autre. Cette science est une religion. Et cette parole, elle a été rapportée de nombreux parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, et parmi eux, Ibn Sirin, Al-Dhahak et d'autres. On rapporte de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'il a dit, « Ta religion, c'est ta chair et ton sang. Regarde de qui tu la prends. Prends-la de ceux qui sont sur la droiture et ne la prends pas de ceux qui ont dévié. » Prends-la de ceux qui sont sur la droiture. Ceux qui empruntent la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Ne la prends pas des déviants. Ne la prends pas des innovateurs. Ne la prends pas des égarés. Ne la prends pas des gens des passions. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils prendront la science de leurs grands. Puis lorsqu'ils prendront la science de leurs petits et des gens les plus mauvais parmi eux, alors ils périront. Allahu Akbar. Ils ne cesseront d'être sur le bien tant qu'ils prendront la science de leurs grands. Puis une fois qu'ils prendront la science de leurs petits et des gens les plus mauvais parmi eux, alors ils périront. Et une question se pose ici. Qu'est-ce qui est visé par les petits? Les gens de science ont dit que les petits, ce qui est visé ici, ce sont les gens de l'innovation. Lorsque les gens prendront la science des gens de l'innovation et des gens les plus mauvais parmi eux, ils périront. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, a été interrogé. Qui sont les petits? Il répondit alors, ce sont ceux qui parlent selon leurs avis. C'est-à-dire qu'ils ne se basent pas sur les textes, qu'ils ne se basent pas sur la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ceux qui parlent selon leurs avis, selon leurs passions, selon leurs désirs. Ensuite, il dit, rahimahullah, quant à un petit, c'est-à-dire un jeune, un petit en âge, mais qui rapporte d'un grand, qui a des références. Il se base en cela sur le Coran, la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, les paroles des grands imams de l'islam et ainsi de suite. Il dit, quant à un petit, qui rapporte d'un grand, alors celui-ci en réalité n'est pas petit. Et Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, aussi dit, les petits sont les gens de l'innovation. Ceux qui ont instauré dans la religion, ceux qui n'en font pas partie. Al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, a dit en annotation de la parole de Abdullah ibn al-Mubarak, ceci est juste, car les gens de l'innovation sont petits dans la science, et c'est pour cela qu'ils sont devenus des partisans de l'innovation. Car ils sont petits dans la science. Al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, a dit, parmi les signes qu'Allah a voulu du bien à une personne, il y a le fait qu'il ait emprunté cette voie. Quelle est cette voie? Il dit, le livre d'Allah Azza wa Jal, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la sunna de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et ce sur quoi étaient les imams des musulmans dans chaque contrée. Puis il cita un certain nombre de savants comme Al-Awza'i, Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Wal-Qasim ibn Sallam, et ceux qui ont suivi la même voie qu'eux. Et il termine en disant, ainsi que le fait de s'écarter de toute voie, de tout avis, de toute opinion que n'ont pas emprunté ces savants-là. Ceci est un signe qu'Allah a voulu du bien à ce serviteur, qu'il ait emprunté cette voie, la voie des grands imams de l'islam, qu'ils suivent le Coran et la Sunna, qu'ils suivent la voie des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, la voie des salafs parmi les pieux prédécesseurs, et la voie des grands imams de l'islam qui les ont suivis de la meilleure manière. Et qu'en parallèle de cela, tu t'écartes, comme on a dit dans le deuxième fondement, de toutes les voies, de toutes les opinions, de tous les avis qui s'opposent à la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. L'imam Ishaq ibn Rahouya a dit, rahimahullah, Allah ne réunit pas la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur un égarement. Allah, il ne réunit pas cette communauté sur un égarement. Ensuite, il dit, par conséquent, si vous observez une divergence, si les gens divergent sur une question quelconque, alors accrochez-vous au sawad al-a'zam. Qu'est-ce que ça veut dire sawad al-a'zam? On pourrait le traduire par la grande majorité, le plus grand groupe de gens, la plus grande foule. Mais qu'est-ce qui est visé par cela? Quelle est cette plus grande majorité, cette majorité la plus immense, à laquelle cet imam nous ordonne de nous cramponner? Il fut interrogé à ce sujet. Il répondit, rahimahullah, la grande majorité c'est Muhammad ibn Aslam, ainsi que ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Muhammad ibn Aslam, c'est un grand imam parmi les imams de l'islam de cette époque. Ishaq, rahimahullah ta'ala, a dit à son sujet, « Je n'ai pas entendu un savant depuis 50 ans plus ferme dans son attachement aux traces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Donc Muhammad ibn Aslam, rahimahullah ta'ala, c'était un grand imam fermement attaché aux traces du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à sa sunnah. Ishaq, il nous dit que la grande majorité, la masse des gens, le sawad al-a'zam auquel on doit s'accrocher, al-jama'a, c'est Muhammad ibn Aslam à cette époque, ainsi que ses compagnons et ceux qui le suivent. Ensuite, il a expliqué cela et il a dit, « Si tu interroges les ignorants en leur demandant qu'est-ce que la grande majorité, ils diront, c'est le grand groupe de gens, le grand nombre de personnes. » Lorsqu'on nous dit la majorité, on pense tout de suite à la majorité de gens en nombre. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Mais ils ne savent pas que la jama'a, le groupe, c'est un savant cramponné aux traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa voix. Par conséquent, quiconque est avec lui et le suit fait partie d'un jama'a. Et celui qui s'oppose à lui en cela a alors certes délaissé le groupe. Il a certes délaissé la jama'a. » Ici, cet imam, rahimahullah ta'ala, il nous indique le sens d'al jama'a. On dit que les gens de la sunna sont les gens de la sunna et du groupe ou du consensus d'al jama'a. Qu'est-ce qui est visé par al-jama'a? Est-ce que c'est la majorité des gens? Est-ce que c'est le plus grand nombre de personnes? Ici, il nous dit non. Mais il nous dit qu'al-jama'a, comme l'ont mentionné certains parmi les compagnons, c'est ceux qui sont sur la vérité. Ceux qui s'attachent à la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux al-jama'a. L'imam ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné cette parole de l'imam Ishaq, il a dit, par Allah, il a dit vrai. Car si à une époque, il y a une personne qui connaît la sunnah et qui appelle à celle-ci, alors c'est lui qui est suivi. Et c'est lui le groupe. Et c'est lui as-sawad al-a'zam. Et c'est lui la grande majorité. Et c'est lui la voix des croyants qui, si elle est délaissée par une personne et qu'il suit une autre voie, Allah le laissera comme il s'est détourné. Comme on l'a vu dans le verset de Surat An-Nisa. Donc on voit que les grands imams de l'islam, parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumallah ta'ala, et ceux venus après eux, ils reconnaissaient la valeur d'un homme en fonction de son attachement au suivi de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que l'on voit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que les tabi'in, ceux venus après eux, ont orienté les musulmans à prendre la science des gens de la droiture. Et comme on l'a vu, ils ont mis en garde, de la manière la plus formelle et la plus stricte, contre le fait de prendre la science des gens de l'égarement, parmi les gens de l'innovation. Car cela ont dévié de la religion de droiture en raison des innovations qu'ils ont instaurées en religion. Il n'est donc pas permis de prendre la science des gens de l'innovation. Car comme on a dit, cette science, c'est une religion. Lorsque tu étudies la science, tu l'étudies pour la mettre en pratique. Donc si tu apprends la science d'un innovateur, l'innovateur, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne son innovation. Il enseigne son égarement. Il appelle à sa voie déviante. Si tu apprends la science de cette personne, comment vas-tu adorer Allah? Tu vas adorer Allah par des innovations et des choses nouvelles en religion qui sont rejetées. Donc il est important de prendre conscience que l'enseignant ou la source de laquelle tu apprends ta religion, que ce soit un site, des comptes sur les réseaux sociaux, des chaînes YouTube ou autres, cela a un impact sur ta pratique de la religion. Et si tu as de laisser aller sur cela, alors tu seras dans la confusion. Il se peut que tu pratiques des innovations, que tu mettes en pratique des choses erronées qui ne sont pas légiférées, et que ces choses s'ancrent en toi et que tu n'arrives plus à les délaisser. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Tu dois donc toujours avoir à l'esprit l'importance d'être sur tes gardes et de ne pas te mettre en danger, de ne pas mettre en danger ta religion en la prenant du premier venu. Ceci est très important, surtout à notre époque. Aujourd'hui, les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, ils sont très actifs à travers les moyens de communication modernes, à travers les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et autres, les chaînes YouTube, les sites internet et ainsi de suite. Donc le musulman, il doit être sur ses gardes. Tu ne dois pas te laisser berner par le simple fait qu'un site ou un compte ait dans son intitulé ou dans son nom le simple mot sunna ou le simple mot salafi ou le simple mot salaf ou le simple mot légiférer ou autre chose comme cela. Tu ne dois pas te laisser leurrer par les appellations. Ce n'est pas parce qu'une personne a un compte avec écrit sunna qu'il fait partie des gens de la sunna. Ce n'est pas parce qu'une personne a un site dans lequel il est écrit salaf salih qu'il suit réellement les pieux prédécesseurs. Également, tu ne dois pas te laisser leurrer par le simple fait qu'un inconnu transmet des paroles des grands savants de l'islam. Il se peut qu'une personne parmi les gens de l'égarement, les gens déviants ou les gens incompétents, qui ne sont pas dignes de transmettre la science, transmettent parfois des paroles des grands savants de l'islam. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, rahimahumullah ta'ala ou autre. Mais qu'en parallèle de cela, ils propagent de certaines personnes déviantes ou de gens qui appellent à une voie erronée, et ainsi de suite. Donc le musulman, il doit sans cesse être sur ses gardes et vérifier de qui il prend la science. Ne pas prendre la science du premier venu. Ne pas lire tout ce qui me parvient sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp ou autre. Si une personne te transmet un rappel avant de commencer à lire ce rappel, regarde quelle est la source de celui-ci, d'où provient-il. Car il se peut que si tu commences par le lire, une ambiguïté s'ancre en toi sans même que tu t'en rendes compte. Donc le musulman, souhaitant être du nombre des partisans de la sunnah, il doit s'accrocher avec ferveur au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunnah de son messager sallallahu alayhi wa sallam, selon la voie des pieux prédécesseurs, comme nous l'avons vu dans le premier fondement. Et en parallèle de cela, tu dois t'attacher et suivre les grands savants ancrés dans la science qui suivent la voie de ceux qui les ont précédés parmi les gens de la sunnah. Et comme on l'a vu dans le cours d'hier, tu les suis et t'attaches à eux sans pour autant exagérer à leur sujet. D'autant plus si ceux-ci sont vivants. Car, comme on a dit, le vivant n'est pas à l'abri de la fitna. En effet, combien de personnes étaient connues pour appeler à la sunna et faire partie de ces gens? Et ce, durant de longues années. Puis, lorsque le vent des troubles se lève, nombre de personnes se laissent emporter par ces troubles, se mélangent aux déviants, adoptent la voix des gens de l'innovation, et se trouve du jour au lendemain de partisans de la sunna à personne, ne cherchant qu'à nuire aux gens de la sunna et à les diviser. Et il n'y a pas de doute qu'un tel changement de situation a des causes. Et ceci provient d'une défaillance dans la sélection des sources desquelles tu prends ta religion, des bases sur lesquelles tu vas édifier ta science, et également une défaillance dans l'éducation. Concernant la sélection des sources, nombre de personnes, comme on a dit, ont de la négligence et du laxisme au sujet de la consultation des livres ou des sites ou des comptes des gens de l'innovation et de l'égarement. Certaines personnes prétendent parfois ne consulter ces comptes que par curiosité. Je veux simplement écouter de quoi ils parlent. Je sais qu'ils sont égarés, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils disent sur ce sujet. Je lis leurs écrits sans conviction, simplement pour connaître leurs avis. Puis petit à petit, la personne s'imprègne de leurs égarements, de leurs déviations, de leurs innovations et de leurs pensées déviantes. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: tous les livres qui contiennent des oppositions à la sunnah ne sont pas autorisés. Il est plutôt autorisé de les détruire, car il n'y a rien de plus nuisible pour la communauté que ces livres. Et certes, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont brûlé les masahif qui s'opposaient au mushaf de Uthman radiyallahu ta'ala anhu lorsqu'ils ont craint pour la communauté la divergence. Alors, qu'auraient-ils fait s'ils avaient vu ces livres qui ont plongé la communauté dans la divergence et la division? Qu'auraient-ils fait s'ils avaient vu les livres des gens de l'innovation, les livres des Asha'ira, les livres des Maturidiyya, les livres des Shi'a, les livres des frères musulmans, les livres des Tablir, et ainsi de suite? Il n'y a pas de doute qu'ils auraient ordonné de les brûler. car ces livres sont la source de la division qu'il y a au sein de la communauté. Il dit aussi, rahimahullah ta'ala, et ce qui est visé, ce sont ces livres qui contiennent des mensonges et des innovations. Il est obligatoire de les détruire et de les faire disparaître, et ils sont plus en droit d'être détruits que les instruments de musique et les récipients qui contiennent du vin, car leur nuisance est plus grande que la nuisance de ces choses. En effet, ce qui concerne l'alcool et la musique, cela relève du domaine du péché, alors que les innovations sont plus graves que les péchés. C'est une forme d'altération de la religion. Celui qui fait un péché, dans la majorité des cas, il sait qu'il est dans l'erreur, sauf s'il est ignorant. Mais il sait qu'il fait quelque chose qui ne plaît pas à Allah. Alors que l'innovateur, il pense par son innovation se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que leur danger est plus grand. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, a dit après avoir mentionné certains livres des gens de l'égarement, « Il faut donc prendre garde à ces livres, fuir avec votre religion des ambiguïtés des premiers, sinon vous tomberez dans la confusion. Celui qui recherche le salut et le succès, il doit s'attacher à la servitude et sans cesse implorer le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander à son Seigneur de le raffermir sur l'islam et de le faire mourir sur la foi des compagnons et des maîtres parmi les tabi'in. » Sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir sur l'islam et sur la foi. Quelle foi? La même foi qu'avaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. D'emprunter leur voie, de mourir sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas sur une voie déviante parmi les voies des gens de l'innovation et de l'égarement. Le shaykh Abdul Latif ibn Abd al-Rahman rahimahullah ta'ala a dit: accroche-toi au livre des gens de la sunna et prends garde au livre des innovateurs, car ils les ont remplis d'ambiguïté et d'ignorance qu'ils ont pris de leurs prédécesseurs, c'est-à-dire de leurs prédécesseurs parmi les gens de l'égarement. L'Amin al-Shaykh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit au sujet du boycott des gens de l'innovation: le fait de délaisser la consultation de leurs livres par peur d'être éprouvé par ceci, et le fait de délaisser leur propagation parmi les gens et de s'écarter des endroits propices à l'égarement, ceci est une obligation. Ceci est une obligation. Il est obligatoire de s'écarter de la consultation des livres, et comme on a dit à notre époque, également des comptes sur les réseaux sociaux, des chaînes YouTube, des sites internet et autres, des gens de l'égarement et de l'innovation. Même par simple curiosité, tu ne dois pas les consulter. Car en les consultant, tu te mets en danger. Tu mets ta religion en danger. Tu n'es pas à l'abri d'être épris par une chose que tu lis dans ces sites, dans ces comptes ou autres, et de plonger dans l'égarement, wal'iyadu billah. Donc la personne, elle ne doit pas se laisser leurrer et ne pas se penser infaillible. Également, tu ne dois pas te penser plus intelligent que les autres. Il y a certaines personnes qui sont trompées par leur intelligence. Elles se disent, non mais moi je sais, je connais la vérité, je ne vais pas m'égarer. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une forme de vanité qui peut conduire à l'égarement. D'autres personnes, en raison de cette vanité, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin des savants. Ils ne reviennent pas aux gens de science. Ils ne les consultent pas. Ils ne tiennent pas compte de leurs orientations. Les gens de science appellent à une chose et lui, il pense avoir mieux compris qu'eux. Il pense être plus intelligent et plus savant que les savants. Alors qu'en réalité, bien souvent, ces gens-là sont de grands ignorants, Wallahu musta'an. Donc ceci fait partie des causes qui peuvent conduire une personne sur la sunna à dévier du droit chemin et à emprunter une voie parmi les voies des gens de l'innovation et de l'égarement. Le fait d'être laxiste à ce sujet et de mal sélectionner ses sources et de prendre la science du premier venu sans faire le tri, afin de ne prendre la science que des gens de la sunna. Et cet égarement, ou ce changement de situation d'une personne, il peut provenir également d'une défaillance dans le domaine de l'éducation. Et parmi les plus grandes formes de déviance et de défaillance à ce sujet, il y a ce que l'on observe aujourd'hui chez nombre de personnes parmi les suiveurs et les élèves de certains affiliés à la science, qui ont éduqué leurs suiveurs à la manière des soufis. Ils leur ont donné une éducation sectaire. Ils leur ont appris à les révérer, à les sanctifier, à exagérer à leur sujet, à ne pas rejeter leurs paroles, à ne pas les réfuter, à ne pas dire qu'ils se trompent. Si l'un d'eux ose dire que leur cheikh s'est trompé sur une question, Alors ils vont le blâmer. Ils vont dire « Celui-ci a des problèmes dans son ménage. Celui-ci est douteux. Celui-ci est faible. Celui-ci est ceci ou cela. » Pourquoi? Car il n'est pas d'accord avec le cheikh sur une question sur laquelle il a prononcé un avis qui est erroné. Même si la fausseté de sa parole est évidente, il n'est pas permis de dire qu'il s'est trompé. Il n'est pas permis de dire que sa parole est fausse et erronée. Non, à la manière des gourous, des soufis. Et pour eux, le faux, c'est seulement ce que le cheikh a interdit. C'est seulement ce que leur leader leur a interdit et contre quoi il les a mis en garde. C'est cela le faux seulement. Quant à ses paroles à lui, selon eux, elles ne seraient que vérité. Et comme on l'a vu hier, ceci revient à dire qu'il serait à un rang semblable à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne qui fait cela, qui appelle les gens à le suivre, à exagérer à son sujet, à le sanctifier, à ne pas réfuter ses paroles, à ne pas rejeter ses avis ou autre, en réalité, il n'appelle pas à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il appelle à sa propre personne. Et il ne fait aucun doute que ceci provient d'un manque de sincérité. Et ceci fait partie des choses les plus dangereuses et des plus grands vices dans lesquels peut tomber le prédicateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani » Wasubhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Dit, c'est-à-dire ô messager d'Allah, dit, ceci est ma voix. J'appelle à Allah. J'appelle à Allah. Je n'appelle pas à moi-même. Je n'appelle pas les gens à me suivre. Mais j'appelle à Allah, à la religion d'Allah, avec clairvoyance. Moi et ceux qui me suivent. C'est-à-dire que ceux qui suivent la voix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils doivent également le suivre dans leur prédication. Et appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et à la religion d'Allah, et non pas à leur propre personne. Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de ce verset, il attire notre attention sur l'ikhlas, la sincérité, car beaucoup de gens, même s'ils appellent à la vérité, ils appellent en réalité à leur propre personne. Allahu Akbar. Même s'il appelle à la vérité, même s'il appelle à une sunna, même s'il appelle à une chose qui est confirmée dans le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, il ne cherche qu'à être suivi. Il veut que les gens le suivent lui. Il veut que les gens se réunissent autour de lui. Il veut avoir un maximum de suiveurs. Et ceci provient d'un manque de sincérité. Car celui qui est sincère pour Allah, il n'a que faire que la vérité se propage par sa bouche ou par la bouche de son frère. L'essentiel pour lui est que les gens suivent la vérité. Et lorsqu'il veut être une cause de guider pour les gens, c'est simplement pour obtenir la récompense de ceux qui le suivront sur cette vérité. Il n'est pas gêné que les gens écoutent autre que lui ou disent d'autre que lui, et ainsi de suite. Quant à celui qui n'est pas sincère et qui appelle en réalité à sa personne, s'il voit qu'il n'est pas suivi, il est gêné. S'il voit que quelqu'un d'autre est plus suivi que lui, il est gêné. S'il voit que les gens disent qu'il s'est trompé, il est gêné. Il ne veut pas qu'on dise qu'il s'est trompé. Il n'aime pas qu'on sache de lui qu'il ignore certains sujets. Car en réalité, il manque de sincérité, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc ceci également est une chose très importante. Et cette défaillance, il n'y a pas de doute qu'elle peut être une cause menant la personne à délaisser la sunnah. Car son objectif étant d'appeler les gens à lui-même, il n'hésitera pas à se désolidariser des savants, à emprunter une voie autre que la leur, si ceci lui permet d'avoir plus de suiveurs. Wallah al-musta'an. Donc en résumé, il incombe aux musulmans qui recherchent la science et qui recherchent à suivre la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, de veiller à s'attacher à la sunnah, de suivre les traces des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, de s'écarter des voies des gens de l'innovation et de l'égarement, de revenir aux gens de science parmi les gens de la sunnah, de les révérer, de les respecter, de profiter de leur science, de profiter de leurs enseignements et, en parallèle, de ne pas exagérer à leur sujet, de les considérer à leur juste valeur et de prendre garde à ne pas se laisser leurrer par son intelligence ou par ses désirs et ses passions qui pourraient le conduire à délaisser la voie droite qui est la voie de la sunnah. Et tout ceci, bien sûr, doit être accompagné de grands efforts afin d'être sincère et véridique dans ce suivi, tout en faisant preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'attachant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Ceci était donc quatre fondements importants parmi les fondements salafis que l'on tire de cette parole immense de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les erreurs ou les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. On a donc terminé cette nouvelle série. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous, et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.